Au cours de ce repas, en tête-à-tête avec le capitaine Nemo, le professeur commence à se renseigner sur l'origine maritime de tous les aliments qui leur sont servis. « Cette mer, monsieur Aronnax, cette nourrice prodigieuse inépuisable, elle ne me nourrit pas seulement, elle me vêt encore. Ces étoffes qui vous couvrent sont tissées avec le bissu de certains coquillages. Elles sont teintes avec la pourpre des anciens et nuancées de couleur violette que j'extrais des applisies de la Méditerranée. Les parfums que vous trouverez sur la toilette de votre cabine sont le produit de la distillation des plantes marines. Votre lit est fait du plus doux herbage de l'océan. Votre plume sera un fanon de baleine. Votre encre, la liqueur sécrétée par la sèche ou l'encornée. Tout me vient maintenant de la mer, comme tout lui retourne un jour. Vous aimez la mer, capitaine? Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Elle n'est qu'au mouvement et amour. C'est l'infini vivant, comme l'a dit un de vos poètes. La mer est le vaste réservoir de la nature. La mer n'appartient pas aux despotes. À 30 pieds au-dessous d'un niveau, leur pouvoir cesse. Le capitaine Nemo se tut subitement au milieu de cet enthousiasme qui débordait de lui. « Maintenant, monsieur le professeur, dit-il, si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres.